smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you've built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart. C'est beaucoup de frères m'ont trahi, moi qui étais prêt à tout pour eux, voilà devenir leur première cible. Tu sais, tout ça a commencé derrière rien, mais à cause de ça, ça nous a séparés de notre chemin. Histoire de femme, fallait que ça arrive un de ces jours, mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose de moins lourd. Mais non, de mes soi-disant frères, la soi-disant team qui s'est volatilisée dans les airs, et c'était dans mon cœur. Mais dorénavant, tout ça c'est fini. J'étais prêt à leur donner ma vie, mais ce que je vois, ils m'ont tous trahi. Je croyais pas qu'on me disait qu'un ami pouvait devenir ennemi. Ça m'a ouvert les yeux, et pour ça, je vous en remercie. Je devrais avancer seul dorénavant, car je ne suis pas à leur merci. Je parle d'eux, mais ce n'est pas qu'à cause d'eux. C'est aussi à cause d'une femme que j'aime, que je ne veux pas perdre. La femme de ma vie, que pour elle, je déploierai mes ailes. Je lui prouverai que je l'aime, mais bon, tu sais que c'est difficile. Beaucoup de problèmes qui fait que notre couple n'est pas invincible. Beaucoup d'erreurs qui a fait qu'elle ne m'aime plus autant qu'elle me le dit. Je sais qu'elle me voit la face, l'amour en aveugle. Moi j'en ai même perdu mon cœur, je ne peux pas la quitter. J'en ai plus la force, c'est elle qui est en train de me guider. Est-ce une erreur d'aimer personne? Non mais c'est une erreur d'avoir donné la clé de son cœur. J'en ai les larmes qui coulent, ça s'entend à ma voix. J'en tremble car je ne vois pas ma vie sans toi. Beaucoup me disent de recommencer ma vie, mais je ne peux pas. Of heaven turns to dust.